Chapitre 7e, la vengeance de Sada. Après tout, les quelques lignes laissées en manière d'adieu par le valet de chambre de Jean n'en étaient pas moins de nature à faire luire un peu d'espoir. Le fiancé de Susanna vivait encore puisqu'il était à la base du marché proposé par la perfide Mihaya, et si Guy Hudou parvenait à le rejoindre, on pouvait tout attendre du dévouement et de l'ingéniosité du brave garçon. Le chagrin qu'éprouvait la jolie Sada ne pouvait être diminué par de telles considérations. Aucun palliatif ne l'adoucissait. Aussi les larmes de la pauvre japonaise continuaient-elles à couler, avec d'autant plus de violence qu'à sa déception s'ajoutait une profonde rancune contre sa rivale triomphante. À cause de sa propre situation, Susanna devait particulièrement compatir à ce chagrin. Elle ne ménagea pas la jeune japonaise les témoignages de compassion en même temps qu'elle lui prodiguait les consolations suggérées par son bon cœur. Vivement touchée par cette sympathie qui l'emplissait de gratitude, Sada se laissait bercer par les paroles d'espoir. Toutefois, elle n'abandonnait pas ses griefs. Et un jour que Jim Sandy regrettait férocement que Mihaya ne fût plus là pour être soumise aux tortures de la question, elle s'écria avec impétuosité « Il faudra bien qu'elle revienne !»« En ce cas, conclut l'Américain, puisqu'elle connaît la vérité, nous l'obligerons à nous dévoiler ce qu'on a fait du fiancé de ma petite fille. Si elle refuse de parler, je lui tordrai le cou. Et moi, renchérit Sada, je lui arracherai les yeux. » Puis aussitôt elle se reprit et rectifia d'une voix posée. « Non, je ferai mieux. Il y a une autre vengeance, bien meilleure. » Elle regarda Susanna avec une douceur tendre, puis le marquis et le vieux Jim. Enfin, après quelques minutes de réflexion, elle poursuivit. « Écoutez, messieurs, puisque Mihaya a trahi le maître pour m'enlever mon fiancé, je puis bien le trahir aussi pour me venger. » Vivement intéressés, Jim Sandy, Archibald de Glandève et les trois femmes se rapprochèrent aussitôt de la japonaise. « Qui donc a le maître ?» demanda l'Américain dont les yeux lancèrent des éclairs. « Kasuga, » répondit la jeune fille en baissant la voix. « Vous croyez être dans un palais offert par le gouvernement ? Mais en réalité, messieurs, c'est à lui qu'appartient cette villa. Vous êtes les prisonniers du docteur Kasuga. » « Par Washington. » « Nous ne resterons pas ici une heure de plus, » rugit le vieux Jim. « Du calme, » pria la japonaise. « La victoire appartient à qui sait feindre. Écoutez-moi d'abord, jusqu'au bout. » « La petite a raison, » approuva le marquis de Glandève, en calmant du geste son fougueux beau-père. « Renseignons-nous d'abord, nous déciderons ensuite. Et pour commencer, quel est ce Kasuga et que nous vaut-il ?»« Qui il est ?» répondit Sada. « Un daimyo tout-puissant. Auprès de son pouvoir, celui des anciens Mikado n'était rien. C'est lui le maître du secret. Du secret ? Quel secret ? S'exclama le vieux Jim. Voulez-vous parler du secret du Lieso, de celui que nous appelons le secret du Japon ? Oui, répondit en rougissant la jeune japonaise. Mais de cela je ne puis parler. Personne n'en sait rien, personne, puisque ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. Et que nous veut Kasuga ? Continua le marquis, abandonnant ce point pour revenir à ce qui l'intéressait personnellement. Mais la réponse de Sada le déçut encore. « Je l'ignore aussi, » assure la jeune fille. « Mihaya seule était la confidente du maître, et c'était d'elle que je recevais les ordres, tout comme les 6 serviteurs obéissent aux miens. Je sais seulement que je ne dois pas perdre de vue Miss Susanna, et que si cela devenait nécessaire, je devrais l'enlever. »« L'enlever ?» s'exclamèrent à la fois la mère, la grand-mère, Jim Sandy et M. de Glandève. Susanna ne dit rien, mais elle devint pâle. « Oui, l'enlever, » répéta la japonaise. « J'en ai le pouvoir, car il me suffirait d'un mot pour me valoir l'aide de la police. »« Elle est donc au service de ce Kasuga ?» questionna le marquis anéanti. « Tout est à son service, » affirma Sada. « Nous sommes entre ses mains comme des fétus de paille et sa volonté peut briser nos vies, si nous résistions au moindre de ses ordres. De notre obéissance, de notre zèle, de notre fidélité répond notre existence. Le maître ne pardonnerait ni une négligence ni une maladresse. Je serais aussi sévèrement châtié pour n'avoir pas su voir ou prévoir ou même pour n'avoir pas été la plus forte dans une lutte que pour avoir trahi. Si Miss Susanna s'échappait, aucune excuse ne serait admise. Je mourrais. Mais Mihaya mourrait aussi, car elle répond de moi sur sa vie, comme moi je réponds de vous sur la mienne. C'est Susanna qui est visée, répéta lentement Jim Sandy, comme s'il voulait se bien pénétrer de cette révélation susceptible de lui entrouvrir tout un monde d'hypothèses. Peut-être commençait-il à comprendre. On sentait Archibald de Glandève partagé entre l'inquiétude et la colère. Ce que voulait Kasuga, M. de Glandève, aussi bien que Jim Sandy, le devinait aisément. Mais ni l'un ni l'autre n'avait soupçonné à leur ennemi une pareille puissance, et ni l'un ni l'autre ne s'était cru autant entre ses mains. Ainsi, ils étaient prisonniers dans la propre demeure du Japonais et entourés d'espions à sa solde. Leur liberté était factice. Elle dépendait du bon plaisir du jaune qui, d'un moment à l'autre, avait le pouvoir de leur arracher, avec la complicité de la police, leur chère Susanna. Même l'intervention de leurs compatriotes ne les aurait point sauvés. Contre l'astuce, contre l'hypocrisie d'un dictateur occulte, décidé à ne tenir aucun compte du droit des gens, qu'auraient pu quelques douzaines de diplomates. Pour Kasuga, ce serait un jeu de les berner. La façon dont il avait escamoté Jean d'Entrevaux prouvait son savoir-faire en la matière. Donc, puisqu'ils ne pouvaient compter sur l'aide de leurs ambassades, les parents de Susanna de Glandève étaient seuls. Aucun allié ne leur restait. Aucun était certain. Sada s'était mise à rire d'un joli rire, un peu féroce, et qui faisait presque peur. « Oui, répéta-t-elle avec une joie enfantine, si vous vous échappiez, Miaya serait mise à mort et sans doute lui ferait-on subir d'effroyables tortures. Aussi, je sais ce que je dois faire pour me venger. » Le plus tranquillement du monde, elle conclut par ces mots qui firent tressaillir tous ses auditeurs. « Je vous aiderai à fuir. » Archibald et le vieux Jim échangèrent un coup d'œil stupéfait. Avait-il bien entendu ? « Vous nous aiderez, Sada ?» s'écria Mademoiselle de Glandève d'une voix tremblante. « Est-ce bien cela que vous venez de dire ?»« Oui, » répondit solennellement Sada. Le beau-père et le gendre échangèrent un nouveau coup d'œil, et ce regard signifiait « Qu'en dites-vous ? Devons-nous tenter la chance ?»« Tout plutôt que de demeurer entre les mains de Kasuga, » répondit Jim Sandy. « Archibald, nous devons faire confiance à cette jeune fille et lui obéir en tout. » Il parcourut du regard le cercle des visages et les vit s'incliner en signe d'approbation. Alors il s'adressa à Sada. « Nous sommes décidés. Que devons-nous faire ? Rien. Attendre en conservant votre physionomie habituelle. Attendre sans trahir votre impatience, sans questionner, même du regard, sans laisser deviner que vous attendez. Comprenez-vous ? Ce sera peut-être plus dur que vous ne pensez. Il faudra attendre et renfermer votre espoir, jusqu'au jour où je pourrai vous dire « Venez, tout est prêt. »« Nous attendrons, » répondit fermement Jim Sandy, et sa voix s'engageait pour toute sa famille. « Bien, » dit Sada, « nous réussirons. »« Mais, » reprit le Yankee, « il vous faudra de l'argent. Vous devez sans doute acheter des complices. »« Cela et d'autres choses. Il faudra une automobile et puis un bateau avec son équipage et des provisions. » Le milliardaire tira son portefeuille. « Dépensez sans compter, » dit-il, « et demandez-moi ce qui sera nécessaire. » « Ainsi ferai-je, » répondit Sada. Jim Sandy était observateur et savait évaluer l'âme d'après l'examen du visage. Celui de la jeune japonaise lui donna confiance. Le marquis de Glandève partageait cette impression. « Miaya reviendra peut-être avant que nous soyons prêts, » reprit Sada. « Cela compliquera un peu l'affaire, mais nous réussirons quand même. Le grand point est qu'elle ne soupçonne pas que vous savez son rôle. Il faut donc dissimuler et rester vis-à-vis d'elle, tel que vous étiez auparavant. Nous ferons ainsi, promit Jim Sandy. Alors, espérez. Mon visage ne me trahira pas. Ne me questionnez plus jusqu'à ce que je vous parle la première. Envers moi aussi, il ne faut pas que vos manières semblent avoir changé. Surtout, patience. Elle allait être mise à rude épreuve, cette patience tant recommandée, et promise de la meilleure foi du monde. Les rôles passifs ne sont pas toujours commodes. Il était particulièrement dur au bouillant Jim, ainsi qu'à l'impétueux Archibald de Glandève, de feindre l'impassibilité alors que la fièvre de l'anxiété dévorait leurs âmes. Des semaines s'étaient écoulées depuis la mystérieuse conversation de laquelle était né leur grand espoir, et jamais Sada n'avait fait la moindre allusion au projet ébauché. Elle semblait d'ailleurs complètement inactive, et il était impossible de supposer qu'elle s'occupait des préparatifs d'une fuite. Jim Sandy, l'homme actif par excellence, ne pouvait supporter le spectacle de cette apparente inaction à laquelle il finissait par croire. L'absence de Miaya offrait à son sens une occasion unique dont il fallait profiter. Pourquoi attendre son retour ? Hélas, il s'en doutait. Les confidences de Sada l'ayant éclairé sur les raisons qui avaient déterminé la jeune japonaise à embrasser la cause des prisonniers. Sada poursuivait une vengeance. Jim n'ignorait pas laquelle, et dans ce but, elle attendait le retour de celle qu'elle voulait perdre. « Elle veut jouer la difficulté, » grommelait le vieux Jim, qui enrageait. Et il en arrivait à souhaiter le retour de Miyaya. Cet événement se produisit 3 semaines environ après la disparition de Guiedou. Les hôtes de la villa du boulevard Ginza revirent un beau matin le masque hypocrite de la nouvelle fiancée du valet de chambre. Elle ne donna aucune explication relative à son absence et on évita de lui poser la moindre question à ce sujet. Toutefois, ce retour n'amena dans l'attitude de Sada aucune modification et ce fut une nouvelle déception pour la famille de Glandève. À peine Sada parut-elle un peu plus mélancolique qu'auparavant. Miyaya, par contre, était manifestement triomphante. Elle ricanait lorsque sa rivale lui lançait des regards furibonds. Certainement, une explication orageuse avait dû avoir lieu entre les deux japonaises. Cela sans doute rentrait dans la comédie que jouait Sada. Mais derrière ce masque de douloureuse indifférence, la courageuse fille agissait. Jim Sandy allait enfin en avoir la preuve. Un soir, vers 11 heures, tandis que la famille était réunie au salon et que le grand-père de Susanna essayait de tromper son impatience en jouant au bridge contre sa femme et son gendre, avec sa fille comme partenaire, Sada entra doucement, et sa vue interrompit net un magnifique sans-atout. « Venez, » fit-elle aux deux hommes, en posant un doigt sur ses lèvres. Le cœur bondissant, le marquis et le vieux Jim se levèrent aussitôt et suivirent la japonaise, laissant les 3 femmes clouées sur leur siège par l'angoisse et l'émotion. Sada se dirigea vers l'office dans lequel se tenaient habituellement les 6 domestiques japonais. Ils s'y trouvaient ainsi que Miyaya. Mais tous les 7 avaient des poses si bizarres que le marquis et son beau-père faillirent éclater de rire en dépit de la gravité de l'heure. Un sommeil foudroyant avait dû surprendre les Japonais, car chacun d'eux dormait manifestement. Mais en dormant, ils ébauchaient encore le geste que la surprise du sommeil ne leur avait pas permis d'achever. 3 d'entre eux, effondrés sur la table dans des poses diverses, tenaient encore à la main la tasse qu'ils étaient en train de vider. Miyaya avait la moitié du corps enfoui dans une armoire. 2 de ses compatriotes, accotés au mur, s'étayaient fraternellement l'un l'autre. Tous 2 avaient la bouche ouverte et la face stupide. Un dernier japonais gisait au milieu de l'office sur un lit de vaisselle brisée. D'un coup d'œil, le vieux Jim comprit la situation. « Vous leur avez administré un narcotique ?» demanda-t-il à Sada. « Oui, » répondit la jeune fille. « Bien joué, faut-il les garrotter ?» Et l'Américain s'avançait déjà vers les corps inertes, ne doutant pas de l'approbation de Sada. Mais celle-ci l'arrêta. « N'en faites rien, monsieur. Il faut seulement en enfermer 3 dans la cave. Et que ferons-nous des 3 autres, ainsi que de votre ennemi ? Prenez-leur d'abord leurs vêtements, » décida Sada. « Je vais vous aider. » Elle avait son plan, il n'y avait qu'à lui obéir. Jim et le marquis de Glandève s'exécutèrent sans plus questionner. Ils comprenaient que les minutes étaient précieuses. En un clin d'œil, 3 des Japonais furent transportés dans le réduit indiqué par Sada. Puis Miyaya et les 3 autres furent dépouillés de leurs principaux vêtements. Sada avait surveillé l'exécution de ces différentes opérations. Elle expliqua son plan. « À présent, messieurs, il faut que vous changiez de costume avec les dormeurs. » Jim Sandy avait compris. Il pressa le marquis. « Ne questionnez pas, Archibald. Il faut faire vite. » Sur les indications de Sada, ils appelèrent Madame de Glandève et Mrs. Sandy et les décidèrent à revêtir chacune un costume japonais. Pendant ce temps, le gendre et le beau-père se livrèrent à la même transformation. Quand tous furent ainsi travestis et que les dormeurs eurent été revêtus des costumes européens qui venaient d'être abandonnés, le marquis demanda à la jeune japonaise « Et à présent, que faut-il faire ?» Elle montra les dormeurs. « Liez-les et baillonnez-les, » commanda-t-elle. « Nous allons les coucher dans vos lits. »« Ah, ils prennent notre place. »« Précisément. Bravo. » »« Mais vis-à-vis de qui, cette comédie ?» Elle me semble inutile puisque nous voici maîtres de la villa. Sada sourit. Il y a des gardes devant la porte, expliqua-t-elle. Il faut nous en débarrasser en les occupant. Ni Jim Sandy ni le marquis de Glandève ne firent plus d'objection. Tandis qu'on installait dans les lits ceux qui allaient remplacer la famille de Glandève, Sada était allée écouter les bruits du dehors du haut d'une fenêtre entrouverte. Elle revint s'enquérir de l'heure. Il est 00h30, renseigna le marquis. Bien, répondit Sada. Dans 1 quart d'heure, l'auto sera devant la porte. Tenons-nous prêts. Mais Susanna, interrogea Jim, est-ce que vous l'oubliez? Il n'y a pas de costume pour elle. Elle n'en a pas besoin, répliqua la japonaise. Au contraire, elle doit rester telle qu'elle est. Vous allez seulement la bâillonner et lui lier les mains. Et vous et moi l'entourerons comme si nous l'enlevions. Avez-vous compris ? Admirable, s'écria le marquis illuminé. Nous aurons l'air d'exécuter un ordre que j'ai reçu, précisa Sada. Ainsi éclairée sur le rôle qu'elle allait avoir à jouer, Mademoiselle de Glandève se prêta de bonne grâce à la comédie. Vous y êtes ? Descendons dans le vestibule, commanda Sada, quand ses instructions eurent été ponctuellement suivies. Dès que j'entendrai l'auto, j'ouvrirai la porte. Sortez aussitôt et portez Miss Susanna dans la voiture. Il ne sera pas mauvais qu'elle paraisse opposer une certaine résistance. De votre côté, n'oubliez pas de jouer vos personnages. Vous représentez des Japonais, faites-vous petit. Et ne vous occupez pas de ceux que vous apercevrez, je m'en charge. Vous n'ouvrirez la bouche sous aucun prétexte, je parlerai. Heureusement, l'obscurité nous favorise et les gardes ne pourront pas vous examiner. Tous descendirent à la suite de la japonaise, en s'efforçant de comprimer les battements de leur cœur. Le quart d'heure passa. Tout à coup, Sada ouvrit la porte. On entendait dans le lointain le bruit d'une automobile qui arrivait. Du seuil, Sada prononça quelques paroles en japonais, et aussitôt des silhouettes de policiers se montrèrent. Sur l'invitation de la japonaise, ils entrèrent. Pendant ce temps, l'automobile s'arrêtait devant la villa. Obéissant aux instructions de Sada, le marquis, Jim Sandy, sa femme et sa fille entraînèrent Susanna vers l'auto et s'installèrent avec elle dans la voiture. Sada reparut seule et monta vivement dans l'auto. « En route » murmura-t-elle en français au chauffeur revêtu d'un costume japonais. L'auto démarra rapide et silencieuse. Alors Sada respira et laissa échapper un petit rire. « Et les gardiens ?» demanda Jim. « Qu'en avez-vous fait ?»« Je les ai laissés là-haut, » répondit la jeune fille en montrant les fenêtres éclairées de la villa. « Et qui font-ils ?»« Ils montent la garde auprès de nos dormeurs pour les empêcher de nous suivre. Ils se figurent, grâce aux précautions que j'avais prises, veiller sur votre sommeil, dont j'ai profité pour enlever Miss Susanna, conformément aux instructions du seigneur Kasuga. » Tous comprirent la ruse de la jeune fille. « Mais ne craignez-vous pas qu'ils s'aperçoivent de la supercherie ?» demanda-t-il. « Ils peuvent s'aviser de s'assurer de l'identité de ceux qu'ils gardent. » « Non, car je leur ai recommandé de ne point les éveiller. » « Et vous vous souvenez que j'ai eu la précaution de vous faire tourner les visages de vos remplaçants du côté du mur. Donc rien à craindre. » « Mais à quelle heure Miaya et ses compagnons se réveilleront-ils ? Où ils en ont pour jusqu'au matin ? À ce moment-là, nous aurons de l'avance. » Je compte bien que nous serons à bord du navire qui nous attend avant qu'on ait retrouvé nos traces. Jim Sandy posa une dernière question. Où devons-nous nous embarquer ? Est-ce à Yokohama ? Non, certes, se récria la rusée Sada. Vos ennemis auraient alors trop beau jeu de télégraphier pour donner l'alarme et nous faire donner la chasse par des navires de guerre. Rappelez-vous que toutes les forces du Japon sont à la disposition du docteur Kasuga, le maître du secret. Il nous faut user de ruse. Aussi allons-nous embarquer en un point assez éloigné de la côte. Aux environs de Katsau Ourde, c'est le désert. Pas de témoins à craindre. De plus, nous serons tout de suite en pleine mer sans avoir à franchir le détroit. Le choix d'une plage sur le Pacifique reçut l'entière approbation de Jim Sandy. Combien de kilomètres avons-nous à franchir ? S'enquit-il encore. 150 environ, répondit le chauffeur. Si tout va bien, nous arriverons vers 4 heures du matin au lieu du rendez-vous. All right. « Roulez !» Sur la route, uniquement éclairée par la lueur de ses phares, l'auto fila. De temps à autre, on traversait à toute allure des villages ou des villes aux petites maisonnettes bizarres que les ténèbres rendaient fantastiques. À l'heure prévue par le chauffeur, l'auto avait abandonné la route et, suivant de rudes chemins à peine tracés, elle descendait. Jim et ses compagnons supposèrent que c'était vers le rivage qu'on n'apercevait pas encore. Se penchant et haussant la tête, il chercha à percevoir le bruit des flots, qui leur eût annoncé avec certitude l'approche du but, et il commença à s'inquiéter de ne rien entendre, car le jour venait. Sada devait partager cet étonnement et cette inquiétude. Tout à coup, elle demanda au chauffeur « Sommes-nous encore loin de la côte ?»« Nous devons y être, » grommela celui-ci en fronçant les sourcils et en jetant autour de lui un regard soucieux. En effet, l'auto roulait maintenant presque à plat sur un sol détrempé, qui devait être celui d'une plage. L'aube se précisait et on commençait à distinguer une sorte d'immense plaine s'étendant à perte de vue sur la droite de l'automobile. À l'horizon, elle se confondait avec la ligne grise du ciel. C'était de ce côté que le chauffeur regardait avec une obstination inquiète. « C'est bizarre, » dit-il au bout de quelques minutes. « Je m'étonne de ne pas apercevoir la mer. Elle devrait être là, si je ne me suis pas trompé de chemin. Or, je ne crois pas m'être égaré. Voici bien, sur notre gauche, le rocher qui devait marquer le lieu du rendez-vous. Peut-être arrivons-nous à marée basse, » émit le marquis. « À marée haute, au contraire. D'ailleurs, il serait impossible que la mer se soit retirée aussi loin. Il y a là quelque chose que je ne puis comprendre. » À ce moment, Sada perçut une silhouette qui se détachait à l'horizon et paraissait venir vers eux. « Regardez donc là-bas, » dit-elle, « je vois quelqu'un qui nous fait des signaux. »« C'est un de nos hommes, » répondit le chauffeur, en stoppant. « Il va nous remettre dans la bonne voie. » Il attendit, laissant s'approcher le matelot. « Où donc est la mer ? » demanda-t-il lorsque ce dernier fut arrivé à portée de voix. Le marin répondit par un geste exprimant un complet désarroi. « Regardez là-bas, » fit-il en étendant le bras vers l'horizon. « Elle descend. Elle descend sans s'arrêter. Il a bien fallu que notre bateau la suive. C'est quelque chose de diabolique. » À cette heure, la marée devait être à son plein et le flot, au contraire, a déjà dépassé la limite des marées les plus basses. Du train dont il va, il faut nous dépêcher si nous voulons le rattraper. Car le diable sait où il s'arrêtera. Je n'ai jamais vu cela. Nous allons descendre et vous nous conduirez, proposa le marquis. « Non pas, » répliqua le matelot. « Laissez-moi au contraire monter dans votre voiture. Nous y serons plus vite. La mer descend avec la vitesse d'un cheval au galop. Voici plus d'une heure que je marche à votre rencontre, et quand je m'y suis décidé, je n'étais déjà pas tout près d'elle. » Sada et le chauffeur échangèrent un regard empreint de la plus grande perplexité. « C'est que, » objecta ce dernier, « je devais laisser ici ces dames et ces messieurs. Il faut que je ramène l'auto à Tokyo sans avoir été aperçu. » Jim Sandy intervint. Il tenait toujours un excellent argument en réserve. « Je vous indemniserai, » promit-il. « Faites ce que cette jeune fille vous conseille. Vous n'aurez pas à vous en repentir. Soit, en avant. » Mais, sur ce sol humide, l'allure ne pouvait être rapide. À plusieurs reprises, on put craindre l'enlisement des roues. Il fallait au conducteur une réelle habileté pour évoluer sur un pareil terrain. Une heure se passa ainsi. L'anxiété commença à étreindre les fugitifs. « On doit nous poursuivre, on nous rattrapera, » murmurait Sada, rembruni. « Nous ne nous laisserons pas reprendre, » répliquait le marquis, en serrant le bras de Susanna qui pâlissait. Heureusement, il fut bientôt évident que la pente s'accentuait et l'auto put rouler plus facilement. Une ligne plus sombre apparut à l'horizon. « Voilà la mer, » annonça le matelot le bras tendu. « Tonnerre, je commençais à croire qu'on l'avait escamoté. » Le murmure des vagues devint perceptible, croissant à mesure que l'auto s'en approchait. « Elle descend toujours, » constata le marin au comble de la stupéfaction. « Mais que se passe-t-il donc ?» Moins frappé par ce phénomène qu'il ne pouvait apprécier, Jim et le marquis reportèrent leurs préoccupations vers un tout autre objet. « Où donc est le bateau ? » demandèrent-ils en le cherchant des yeux. Le regard perçant du marin parcourait déjà la ligne d'écume. « Oh ! » grommela-t-il. « Nous avons dérivé. Le volet là-bas qui court débordé. Apercevez-vous ce point noir ? Courez droit dessus, chauffeur, et surtout ne lâchez pas le flot. » La course reprit, parallèle au rivage cette fois. Mentalement, Sada faisait le compte du temps perdu et se troublait de plus en plus. « Ceux de la cave ont sûrement appelé, » pensait-elle. « On nous poursuit et nous devrions être au large. Qui aurait pu prévoir pareil contretemps ?» Debout sur le siège de l'auto, le matelot adressait les signaux au navire. « Bon, » annonça-t-il, « on nous a vus. On met le canot à l'eau. » L'auto stoppa en face du navire et tout près de l'endroit vers lequel se dirigeait le canot. Tous les voyageurs descendirent et tandis que les hommes, enlevant leurs chaussures et retroussant leurs pantalons, se mettaient bravement à l'eau, le marin portait les passagères à bord de l'embarcation. Bientôt, tous furent réunis sur les bancs du canot, dont les rameurs se dirigèrent aussitôt vers le navire. Mais toutes ces manœuvres avaient pris du temps, un temps qui paraissait interminable à Sada. Son inquiétude était devenue si visible que Jim et le marquis ne tardèrent pas à la partager. Aussi ne cessaient-ils d'observer la plage. Tout à coup, ils tressaillirent. « Voyez-vous ces points noirs là-bas ? » murmura M. de Glandève en désignant de la main quelque chose qui se mouvait. « Cela court, » ajouta Sada avec un petit frisson. « Serait-on déjà sur nos traces ?»« Trop tard, » riposta le vieux Jim. « Dans un instant, nous serons à bord et le navire prendra le large. Ceux qui accourent ne seront pas de taille à nous attaquer. » « Aussi n'est-ce point eux que je crains ?» soupira la jeune japonaise. « Mais s'ils nous reconnaissent, avant une heure, tous les vaisseaux de la côte nous donneront la chasse. » Personne ne lui répondit. Le canot se rangeait contre le flanc du navire, et par l'échelle lancée de la coupée, les passagers, l'un après l'autre, montaient à bord. Quand cet embarquement fut terminé, les matelots remontèrent le canot. « Au large !» ordonna le vieux Jim, donnant le signal du départ. « Nous ne sommes pas encore repris. » Le petit vapeur s'éloigna, battant les flots de ses hélices. Sur le rivage, le tout abandonné diminuait et ressemblait à un monstre échoué. Les silhouettes qui avaient inquiété Sada accouraient vers elle et bientôt l'entourèrent. « C'est Miaya, je la reconnais !» déclara Sada, qui observait la scène avec une jumelle marine. Elle vit sa rivale et les policiers qui l'accompagnaient se concerter rapidement, puis monter dans l'auto et mettre celle-ci en marche. « Ils renoncent, ils s'en vont, bravo !» s'exclama le marquis de Glandève. Mais Sada secoua la tête. « Au contraire, ils vont donner l'alarme !» répliqua-t-elle. « Allons !» fit flegmatiquement Jim Sandy. « Le sort en est jeté. Nous voici devenus gibier. Il s'agit de montrer que nous avons des jambes. » C'était bien Miaya et ses Japonais qui retournaient vers le rivage dans l'auto délaissé par la famille de Glandève. Et l'intention de l'âme damnée du docteur Kasuga était en effet de signaler les fugitifs et de tout mettre en œuvre pour les faire reprendre. Étant donné les moyens dont elle disposait, il semblait que le navire pourchassé ne pouvait échapper aux mailles du filet qui allait l'entourer. Dès que l'auto eut atteint la terre ferme, Miaya encouragea celui des jaunes qui tenait le volant. « En avant, à toute vitesse » recommanda-t-elle. Une épouvantable détonation lui coupa la parole. Un choc formidable secoua le sol qui s'entr'ouvrit et l'auto s'arrêta net, les roues prises dans une crevasse. Ceux qui la montèrent roulèrent pêle-mêle les uns sur les autres. Épouvantés, ils se relevèrent, prêts à fuir ce lieu dangereux qu'ébranlait un tremblement de terre. Mais en quelques secondes, le cataclysme avait pris des proportions effroyables. Autour des Japonais, les secousses et les détonations se multipliaient. Des fumées sortaient du sol et les hauteurs voisines s'empanachaient de flammes surgies tout à coup. 20, 100 volcans se réveillaient ou se révélaient, crachant vers le ciel des colonnes de lave incandescentes. Ce fut une vision effrayante, un spectacle d'une horreur inexprimable, une agonie terrifiante de la terre que de souterraines explosions faisaient craquer de toutes parts. Était-ce la fin du monde ? Aussi loin que le regard humain pouvait s'étendre, l'horizon était pareillement en flammes. Partout s'apercevaient les mêmes entassements, le même chaos de montagnes s'écroulant et de sols s'entr'ouvrant. Mais quelle que fût la cause de ce terrifiant phénomène, ni Miaya, ni aucun des Japonais qui l'accompagnaient ne devait l'ignorer, car projeté contre le sol, il tremblait d'épouvante. Et tourné vers la mer, Miaya cria, en proie à une terreur superstitieuse, « C'est le châtiment, les esprits se vengent !»